Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 6 juillet 2017. Voici les grands titres de cette édition. Le rapport 2016 de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme fait état de 300 personnes tuées et 60 victimes de torture, ainsi qu'un désaccord entre le gouvernement burundais et les Nations unies sur les violations des droits de la personne humaine. Ce rapport a été analysé ce mercredi à l'Assemblée nationale. Le commissaire général de la brigade anticorruption exige la suppression de différents postes où des personnes rançonnent des gens sous prétexte qu'elles perçoivent des taxes. C'est comme à Moussaga, à Kamengi, à l'endroit communément appelé Iwabuabanu et ailleurs. Et le nouveau rendez-vous de juillet annoncé par la facilitation dans la crise burundaise vient à point nommé selon la coalition Amizero Y'Abarundi. Mais pour le président du parti Radebou, les questions ayant fait objet de discussions à l'intérieur du pays devraient d'abord être signées. Et l'hôpital militaire de Kamengi, qui a dernièrement reçu les félicitations du président de la République pour les bons services offerts à la population, reçoit aujourd'hui beaucoup de patients, mais personne ne rentre sans avoir été servi. Le directeur de cet hôpital nous dira que c'est le dévouement du personnel qui explique cette confiance de la population. C'est un reportage de Francine Diokoubgayo. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, un militaire a été grièvement blessé au cours de la nuit de ce mercredi. C'était lors d'une embuscade tendue par un groupe d'hommes armés non encore identifiés. C'était à la troisième transversale de la colline Wuringa, en commune Guianga. Nous sommes dans la province de Bubanza. Selon des sources en provenance des forces de l'ordre, les militaires œuvrant dans la réserve naturelle de la Rukoko étaient en patrouille et se sont heurtés à ce groupe d'hommes armés. La même source indique que l'échange de tirs a duré environ une quinzaine de minutes. Plus de 300 personnes ont été tuées et plus de 60 ont été victimes de torture au courant de l'année 2016. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme devant l'Assemblée nationale. Dans son rapport de 2016, Jean-Baptiste Baribonekeza évoque plus de 1700 cas d'arrestation arbitraire. On l'écoute. Au cours de l'année 2016, la CNDH a enregistré une série de plaintes qui vont jusqu'à 2303 plaintes, dont la grande majorité sont liées aux allégations de violation des droits civils et politiques. Plus de 1739 de ces requêtes relèvent de la matière des droits politiques et civils. Parmi ces saisines, il y a 340 qui sont liées aux violations du droit à la vie, 68 qui sont liées aux allégations de torture et 1788 qui sont liées aux problèmes d'arrestation arbitraire, ainsi que les problèmes liés à l'administration de la justice, que ce soit la lenteur des procès, les détentions prolongées ou encore les violations du droit à un procès équitable. C'était le président de la CNIDH qui a également indiqué que l'an 2016 a été marqué en politique par le désaccord entre le gouvernement burundais et les Nations unies sur les violations des droits de la personne humaine. Jean-Baptiste Baribonekeza a également fait remarquer que pendant la période d'enquête, les droits politiques ont été violés, dont le droit à la vie. Encore une fois, on l'écoute. La situation politique a été marquée par la détérioration des relations entre le gouvernement burundais et certains organes des droits de l'homme des Nations Unies, notamment le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La CNIDH note avec préoccupation le maintien des mesures de suspension de la coopération avec le Burundi qui ont été prises par l'Union européenne et qui pénalisent en réalité la population burundaise. La situation politique a également été marquée par la détérioration des relations entre le gouvernement et certains autres organes des Nations Unies, y compris les mécanismes mis en place par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, dont l'équipe d'enquête indépendante des Nations Unies, EINIB. Par la suite, le Conseil a mis en place une deuxième commission d'enquête internationale qui est actuellement en cours et par résolution 33/24 du Conseil des droits de l'homme du 30 septembre 2016, dont encore une fois, l'existence même a été contestée par le gouvernement du Burundi et lui refusant du coup sa coopération. Les désaccords persistent au niveau politique, qui se manifestent parfois par la violence, continuent à peser lourd sur les droits des individus, surtout le droit à la vie et à l'intégrité physique. Dans le cadre de l'exercice de son mandat de protection, la CNIDH continue de recevoir plusieurs requêtes des victimes ou de leurs familles, et les actes de la CNIDH permettent d'identifier les tendances des cas de violation durant la période considérée. À mesure que le pays s'éloigne des événements violents de 2015 et qu'il s'approche des échéances de 2020, il sera très important d'engager des efforts additionnels au niveau de la sensibilisation des responsables politiques et de la population à la tolérance politique, à la coexistence pacifique et aux élections apaisées. C'était le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le commissaire général de la brigade anticorruption demande la suppression des postes sur lesquels se trouvent des agents qui perçoivent des taxes illégales. Selon le commissaire de police Isidore Ndehokubgayo, cela favorise les fraudes et la corruption. Il donne les exemples des endroits où se pointent ces personnes, comme à l'endroit communément appelé Iwawawanu à Kamenge sur la route nationale numéro 1 à Moussaga et dans d'autres coins. Dans une réunion tenue ce mercredi par le président du Sénat à l'endroit des administratifs de la mairie de Bujumbura, il a demandé que ce désordre s'arrête. Aubin Niyonguru. Le commissaire général de la brigade anticorruption donne les exemples des endroits où se trouvent ces barrières illégales, dit Utugozi. Ces barrières sont à Kamenge, à Moussaga, à Kumusufu, dans la zone Kanyosha, sur la route Gatumba ainsi qu'à Kanga. Le commissaire Isidore Ndihokubgayo fait savoir que ces agents qui perçoivent illégalement de l'argent se disent travailler pour certaines institutions. Il demande que cette pratique cesse. Ils se disent être des agents premièrement de la documentation, deuxièmement de la mairie, troisièmement de l'OBR, quatrièmement de l'anticorruption. Ils collaborent avec les fraudeurs parce qu'ils laissent entrer frauduleusement les marchandises. Je demande à la police de renvoyer de ces barrières toutes ces personnes qui sont dans des associations. En collaboration avec la mairie, je les ai arrêtés et emprisonnés, puis ils sont revenus. Tous ceux qui disent être des agents du ministère de l'Environnement doivent être renvoyés. Le président du Sénat veut que ceux qui disent être complices des hautes autorités qui seraient impliquées dans des crimes soient sanctionnés, parce que les autorités doivent être exemplaires, dit-il. Au cours de cette réunion, la complicité de certains policiers et certains administratifs à la base a été évoquée. Merci Aubin. Politique maintenant, le parti Radebou estime que les questions qui ont fait objet de discussions à l'intérieur du Burundi devraient d'abord être signées avant de parler de nouveaux rendez-vous fixés par la facilitation de Benjamin Mkapa. Et c'est le point de vue du président de ce parti. Jean de Dieu Moutawazi ajoute que ce prochain dialogue pourra se tenir à Bujumbura en présence du facilitateur. L'une des préoccupations soulevées par le président du Radebou est la provenance du soutien financier pour organiser le dit rendez-vous. Suivez Jean de Dieu Moutawazi, c'est le président du parti Radebou. Nous avons dialogué à Entebbe, nous avons dialogué à Arusha à plusieurs reprises, nous avons même dialogué à Bruxelles. Alors, il est grand temps de pouvoir dégager une conclusion, de pouvoir dégager un accord ou bien une convention sur laquelle nous pourrons tous mettre une signature. Il y a des questions sur lesquelles on s'est déjà entendu, que ce soit à Gitega, à Kayanza, à plusieurs reprises. Alors, ces questions sur lesquelles nous sommes déjà entendus, il faudrait pouvoir les paraffer et les signer. C'est ce que nous attendons du prochain rendez-vous où pourrait être présent le facilitateur de Benjamin Mkapa. Deuxièmement, pour ce qui concerne le lieu, nous avons été intransigeants que rien ne peut justifier aujourd'hui qu'on puisse payer des billets d'avion pour aller s'asseoir à l'extérieur. Donc aujourd'hui, nous demandons qu'on puisse paraffer au moins le minimum des thèmes sur lesquels on s'est déjà entendu. Pour que ce rendez-vous puisse être fructueux, le facilitateur Benjamin Mkapa doit être un homme indépendant et autonome. Parce que nous savons qu'à plusieurs reprises, il a été influencé négativement par ses bailleurs, notamment l'Union européenne. C'est pourquoi nous sommes en train de nous poser des questions de savoir si effectivement ce rendez-vous pourra avoir lieu parce que ses bailleurs veulent l'influencer négativement. Il faut qu'il puisse dégager une réponse par rapport aux questions importantes que nous nous posons. Premièrement, c'est la levée des sanctions injustes et inexplicables sous lesquelles l'Union européenne a mis le Burundi. Deuxièmement, il faut que les leaders politiques et les leaders de la société civile qui sont à l'extérieur et qui n'ont n'ont pas de dossier de poursuite au niveau de la justice burundaise puissent aussi rentrer pour participer notamment aux élections de 2020. Jean de Dieu Mutabazi, président du parti Radebou, de son côté, la coalition Amizero ya Barundi trouve que s'il y a réellement de l'engagement de tous les partenaires à ce dialogue, le nouveau rendez-vous de juillet serait fructueux. Agathon Rwasa, président de cette coalition, parle d'un rendez-vous qui vient à point nommé. C'est un rendez-vous qui vient à point nommé parce que, comme vous le savez, le Burundi, depuis un bon moment, traverse une crise de confiance entre la classe politique. Une crise de confiance qui a même poussé à un mouvement d'exil, à des atrocités même. Si la facilitation n'a pas pu honorer le rendez-vous de juin, ce n'est pas par sa mauvaise foi, mais c'est beaucoup plus par la mauvaise volonté de nous-mêmes, les acteurs burundais. Donc j'invite les différents protagonistes à faire montre d'abnégation et de mettre de côté le sectarisme au profit d'un Burundi meilleur. Penser à ces générations montantes et mettre fin à toute forme d'exclusion qui n'aura que conduit à la désolation. J'encourage tous les protagonistes burundais à participer de bonne foi et de tout leur cœur pour essayer de relever la situation parce que ce n'est pas bien que les Burundais ont continué à se méfier les uns les autres ou à s'exclure les uns les autres. Il est plus que temps que les Burundais comprennent que ce Burundi a besoin de la force de tous les Burundais pour que son économie redémarre, redécolle, pour que sa situation socio-sécuritaire s'améliore. Donc c'est un rendez-vous qu'il ne faudrait pas négliger. C'est un rendez-vous plutôt qu'il faudrait soutenir et maximiser absolument. Ce rendez-vous pourra être fructueux si les uns et les autres comprennent que ce n'est pas d'abord un rendez-vous de trop et ce n'est pas aussi un rendez-vous qu'il faut ignorer, surtout que certains commencent à spéculer comme quoi il y a le dialogue interne. Mais c'est un dialogue interne qui n'a pas produit ses effets malheureusement. Et surtout, c'est que il y a des questions cruciales que si le débat est ouvert avec la bonne volonté, en une journée, en deux journées, trois, je ne sais pas combien, s'il y a réellement de l'engagement de toutes parts, il y a lieu de trouver des solutions et conclure des mesures ensemble qui puissent nous mener vers de nouvelles échéances électorales, comme cela est le souhait de ceux qui gèrent le pouvoir. Agathon Rwasa, c'est le président de la coalition Amizero ya Barundi. Parlons santé maintenant. L'hôpital militaire de Kamenge est actuellement débordé par les patients qui demandent ses services, mais personne ne rentre sans avoir été reçu. Le directeur général de cette structure de soins explique que cette situation est due à la confiance que la population place de plus en plus en eux. Docteur Marc Nimburanira affirme que la garde est assurée, la garde de nuit est assurée et de jour aussi est assurée dans tous les services 24 heures sur 24. Une décision consensuelle prise par le personnel de cet hôpital. C'est un reportage de Francine Diokugay. Nous sommes à l'hôpital militaire de Kamenge. Il est presque 10 heures. Les gens font la queue devant les portes des différents services. D'autres attendent assis sur les bancs. L'hôpital connaît ces derniers jours un surnombre de patients. Suite à ces services de qualité, nous ont dit les gens que nous y avons rencontrés. La ponctualité des services qui travaillent ici, suivi des patients ou la déontologie médicale, toujours et nous, il y a présence des médecins. Nous nous sommes rendus au service de maternité où nous avons rencontré le docteur Marlène Chilimbele qui avait fait la garde. Elle nous fait savoir que le service est depuis quelque temps débordé. Ces derniers temps, on trouve qu'il y a beaucoup de patientes qui sollicitent notre service pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup de patientes dans les quartiers qui disent que l'hôpital est militaire, c'est un hôpital de référence. C'est presque tous les jours qu'on est débordé. On remarque qu'on reçoit trois fois plus la capacité que nous avons ici à l'hôpital militaire. Pour pouvoir satisfaire les demandeurs de ces services, le docteur Marc Nimburanira, directeur général de l'hôpital militaire, dit qu'avec tout le personnel, ils se sont fixés des objectifs. Il y a d'abord une devise que nous avons ici à l'hôpital militaire de Kamenge. Cette devise, c'est un bon accueil dans un hôpital propre pour des soins de qualité. Alors, se basant sur cette devise, la première chose que nous avons fait, c'est la sensibilisation de tout le personnel de l'hôpital militaire de Kamenge pour un bon accueil suivi, de servir rapidement les patients qui viennent solliciter des services ici. Mais aussi, c'est d'essayer de rendre l'hôpital propre en faisant des actions visant à améliorer les places d'accueil, surtout pour les patients ambulants, même aussi pour les patients qui sont hospitalisés. Aussi, nous avons mis en avant un système de gestion qui nous permet de bien gérer l'hôpital, c'est l'informatisation. Aujourd'hui, le volet financier, on le fait avec l'informatique et les patients aussi, nous les suivons avec l'outil informatique. Mais aussi, au niveau de notre organisation, nous avons mis en place un système de travail de 24 heures sur 24 heures. Et on voit qu'avec ce système de travail, ça nous permet de bien répondre aux sollicitations des patients. Des créances impayées qui arrivent aujourd'hui à plus de 7 milliards de francs burundais bloquent l'avancement de certains projets, comme l'indique le directeur général. Mais les travaux de réhabilitation et d'extension de l'hôpital sont à un stade avancé. L'hôpital militaire de Kamenge a été dernièrement honoré par le président de la République au moment où il y en a d'autres qui ont eu une mise en garde. Merci Francine Ndiokougaïo. Santé toujours, selon une étude parue en 2010, 11% de jeunes filles dont l'âge varie entre 15 et 19 ans ont déjà eu des grossesses précoces. Cela a été dit par Pierre Claver Ndayihereje. Il est directeur général de la planification au sein du ministère de la Santé. Il indique que ce taux est dû au manque d'informations liées à la santé sexuelle et la reproduction des jeunes adolescents. Il l'a dit ce mercredi au cours de la campagne de sensibilisation des jeunes sur la réduction des comportements à risque en matière de santé et de la reproduction. Suivez Pierre Claver Ndayihereje dans une traduction de Didier Nyonzima. Nous avons remarqué que l'implication de la jeunesse est nécessaire pour dire non à tout comportement qui pourrait nuire à leur santé. C'est même là où on a tiré le thème de cette campagne qui est, je cite, « Jeunesse, oser dire non ». Ici au Burundi, nous continuons de voir des conséquences liées au mauvais comportement qu'adoptent certains jeunes. Dans une enquête faite en 2010, 11% des jeunes adolescents ayant un âge compris entre 15 et 19 ans ont déjà enfanté ou ont des grossesses précoces. Un recensement de 2007 a montré que 3% des jeunes de 15 et 24 ans avaient déjà contracté le sida. Ces jeunes qui adoptent ces mauvais comportements sont obligés de se marier avant l'âge légal ou parfois ils ont des enfants alors qu'ils ne sont pas majeurs. Dans les nouvelles des provinces, la fédération Nkorerangukize des caféiculteurs d'Ngozi éprouve des difficultés dans la sensibilisation de la population à propos des activités de paillage et de taille en cours dans cette province. Et pour cause, le non-paiement par la Sogestal Ngozi sur bon nombre de stations de lavage du café, alors que ces agriculteurs doivent acheter des fertilisants de cette culture. Apollinaire Muzagara pour plus de détails. Cette fédération des caféiculteurs Nkorerangukize est en pleine campagne de sensibilisation des caféiculteurs sur la taille et le paillage des plantations caféicoles. Le personnel de cette fédération sensibilise aussi la population sur l'achat des fertilisants des caféiers en vue de les utiliser dès les premières pluies, et cela pour se préparer à une bonne récolte de café en quantité et qualité. François Nambirakage, président de cette fédération des caféiculteurs, indique qu'ils ont du pain sur la planche à affronter la population dans cette campagne. Les caféiculteurs les accusent de n'avoir pas payé la première tranche de la campagne Café et Cool. Ce représentant des caféiculteurs pointe du doigt la Sogestal Ngozi qui jusqu'aujourd'hui tarde à payer sur les 8 stations de lavage de café réparties dans les communes Kiremba, Tangara, Nyamurenza, Usiga et Ngozi, alors que les autres sociétés opérant dans cette filière café ont déjà payé il y a environ 2 mois. Les informations émanant de la Sogestal Ngozi évoquent le problème d'avoir le certificat d'entreposage exigé pour avoir des emprunts bancaires. Or, le gouverneur de la province Ngozi a interdit le transport du café parche de la station vers l'usine de déparchage sans avoir payé les caféiculteurs de cette station de lavage café. Voilà donc ce qui manque à la Sogestal Ngozi pour être en possession de son certificat. Pour rappel, toutes les autres sociétés avaient déjà payé vers la fin du mois de mai le premier paiement comme exigé par le gouvernement. Le deuxième paiement s'annonce bientôt au moment où les 8 stations de lavage de la Sogestal Ngozi n'ont même pas payé la première tranche. Donc Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, le président zambien Edgar Lungu a sollicité mercredi soir l'instauration de l'état d'urgence après une série d'incendies criminels. Et Donald Trump, le président américain dans sa tournée en Europe, assistera au sommet du G20 vendredi et samedi à Hambourg. Et le maréchal Haftar proclame la libération totale de la ville de Benghazi. Les détails avec Gaspard Ndereimana, stagiaire à notre station. Le président de la Zambie, lors de son passage en France, Edgar Lungu, a sollicité mercredi soir l'instauration de l'état d'urgence après une série d'incendies criminels dont l'un a ravagé mardi le grand marché de Lusaka. Selon la radio BBC, dans une allocution radio-télévisée, le président zambien a indiqué que ces actes étaient destinés à déstabiliser politiquement le pays et à le rendre ingouvernable. Donald Trump a atterri mercredi soir à Varsovie, début d'une tournée en Europe, pendant laquelle il assistera au sommet du G20 vendredi et samedi à Hambourg. En Pologne, il va rencontrer le président d'une dizaine de pays d'Europe centrale et orientale. L'occasion aussi pour lui de flatter la Pologne, alliée de longue date des États-Unis et un moment très attendu pour le pouvoir polonais. Notons qu'il y aura au programme de discussions sur la sécurité et la paix énergétique. Selon la Radio France Internationale, le prix attendu sera le discours de Donald Trump à la mi-journée devant plusieurs milliers de Polonais. Face au moment aux morts, rendra hommage aux héros de l'insurrection de Varsovie. Le président américain devrait rappeler les liens forts qui unissent les deux pays. En Libye, le maréchal Haftar proclame la libération totale de la ville de Benghazi. Après plus de 3 ans de combats meurtriers, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, annonce avoir repris Benghazi des mains des djihadistes, proclame une libération totale de la deuxième ville du pays. C'est sur ces nouvelles brèves en actualité internationale que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique d'Eric Ouimana. Au micro, Jean Bosco d'Ouimana. Nous vous souhaitons de passer un bon après-midi.